C'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Assemblage requis. Maxime Lemelaramé nous présente ses plus récentes découvertes musicales. On reçoit Noémie Guimond de la Corderie. À l'assemblage requis. L'assemblage requis. Ah, nouvelle façon de dire comme ça. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Mon nom est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mercredi 26 janvier. Ça me fait penser à Nicolas Duchamp. Il est pas ici pour se défendre aujourd'hui, mais la controverse au bureau, le behind the scenes de toute cette merveilleuse business qu'est la radio. La controverse, c'est est-ce que c'est inconduit de partie ou l'inconduit de partie? Il dit que ça s'accorde, mais je comprends pas vraiment cette règle-là. Faut que tu dises inconduit de partie si ça se dit, mais s'il faut que tu mettes un L... C'est l'inconduit de partie. Ouais. Mais il sait pas trop ce qu'il veut, je pense. Mais c'est un petit peu mêlant. On lui demandera. On lui demandera peut-être. Donc, bienvenue à Assemblage requis. Notre plan aujourd'hui est très, très simple à comprendre. Je vous l'explique avec François-Olivier. On a Maxime Lemelaramé vers les 8h avec ses découvertes musicales dans Télécharge quoi? Exactement. Tout de suite après, on reçoit Noémie Guimond. Et puis, plus une invitée, en fait, de la Corderie qui va venir nous parler c'est quoi la Corderie, ça sert à quoi, ça s'adresse à qui. Donc, ça va être aux alentours de 8h30. Parfait, on a aussi C'est un fait, bien sûr. Et aujourd'hui, édition spéciale thématique de C'est un fait. Thématique? Complètement thématique. Seulement des faits sur les chats. Ah ouais, pas vrai? On va apprendre plein de choses sur les chats, ça me tente. C'est bien. Ah, ça va être formidable. Oui, ça va être adorable. Ça va ronronner. Ça va ronronner, exactement. Et beaucoup de bonne musique. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans cette bonne musique pour... bourrer les trous entre les places où on dit des affaires plates. Genre des blagues poches. Des blagues poches. Hey, aujourd'hui, d'ailleurs, Mathieu, je te rappelle, c'est la journée carrière. Ah, c'est vrai. Rôle au CAPS. Donc, ce matin, préparez vos CV. Et ça rouvre. Ça commence à 10h. Okay. De 10 à 16h. Mais écoute, on en reparlera un peu plus tard. Donc, si je veux me lancer en humour. Tu pourrais peut-être faire carrière là-dedans. Tu pourrais peut-être aller porter des CV, rencontrer des employeurs. Peut-être. OK. Peut-être. Mais garde ta vraie job. Aussi. Ben, écoute, ça veut pas dire. Conseil. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Qu'est-ce que je voulais dire? On va parler du carnaval aussi. Oui, ça continue jusqu'à demain, le carnaval étudiant de l'UQTR 2011. Exactement. D'après moi, hier, ça a fêté fort parce qu'il y avait beaucoup de véhicules dans le stationnement ici à l'UQTR. En effet, c'était une joke, une bière hier. Et le spectacle d'humour avec Pierre Hébert. Belle affaire qui finit en air, quoi. Hier. Je sais pas c'est quelle sorte d'animal, ça. On aurait dit un oiseau. Ah, je pense que c'est un Chroméo. Un Chroméo. Non. Peut-être. On va l'écouter, Chroméo à la place. Oui, Chroméo, okay. Avec une belle pièce, d'ailleurs. Francophone. Je pense la seule francophone de l'album. Donc... Ouais, t'as raison. En tout cas, dans les titres. Oui, mais en réalité aussi. OK. On va écouter une nouvelle entrée du palmarès francophone. Voici J'ai claqué la porte de Chroméo 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Pour rouler mes haches, je peux se faire. Arrive. J'aurais pas dû partir sans dire un je t'aime. Mais j'aurais pu partir sans faire une scène. Les deux assis en larmes sur le canapé, et moi fatigué, mal rasé. Je me suis levé, j'ai claqué la porte.

that's refined. One of a kind. Sit back and recline. Yeah, that's right. A state of mind. Funky with the puns, I'm positively inclined. They love the wax, got the tracks, that's refined. Space and time. Bends the bass in line. À 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, assemblage requis. Je ne prendrai pas ton album, François, s'il y a 3 minutes de blanc à la fin. Non. Il y a 3 minutes de blanc? Ouais, c'est ça. Je trouve ça bien drôle. Ah. Ah ben non, c'est une pièce cachée. Eh ben... Tu m'impressionnes, François, tu m'impressionnes. Je vais réserver une surprise, Mathieu. Oui, ça paraît. Est-ce qu'elle est bonne, la pièce, on sait pas. Basel. C'est super bon. And then she says she wants to take her kids in. That's her boy that's 12 and her daughter that's 4 with angel eyes. So they get there and the sun is barely risen. Decided on a spot where the fish is plentiful with the tide. Get out their pose, daddy smiles and said the fish is jumping. Then they heard a splash, but it sounded bigger than fish size. The 12-year-old screams, Mom. And Mom screams back, the baby was holding your arm. Well, that was 30 seconds ago, so they jumped in. All coming up with nothing, but then something told Mom to look toward the light. But the sun wasn't yellow, it had turned white. So she listened and swam, she swam for the light. Like the Michelin man, she swam with such might. She spotted the baby, and she was on her back. Just as the light said, sunrise was heaven's track. She turned the baby over, her eyes were still blue. The baby had a smile and said, I was waiting for you. Mom, I was waiting for you. Your baby. Mama, I love you. And I was waiting for you. Nerd, wonderful place. Wonderful place, lorsque prononcé correctement. Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées et en langue aussi détachée. Hello. Ce matin seulement. Oui, ah non, oui. Ah non, oui. Ben, c'est une offre d'une durée limitée. Oui. Une dureté limitée. Une dureté limitée, donc oui. Profitez-en rapidement. C'est ça. François, deux petites nouvelles geeks pour toi. Vas-y, vous. Tu sais qu'il y a des rumeurs sur la PSP 2 qui devraient être annoncées cette semaine? Non. Oui, cette semaine, là, qu'on okay. est en train de vivre en ce moment. On devrait annoncer, en tout cas, selon les rumeurs, la PSP 2 de Sony. Donc, quelques détails viennent de sortir côté rumeurs. Alors que Sony devrait présenter sa nouvelle console cette semaine, les photos et les rumeurs se multiplient. La plus importante nouveauté intégrée à la PSP 2 serait la capacité tactile de son écran. De haute définition OLED, selon Nikkei. D'après les dernières images dévoilées sur le web par le site Kotaku, la console de Sony serait aussi dotée d'une carte mémoire de 32 Go SD, d'un memory stick, d'un stylet et d'un couvercle coulissant, ce qui rappelle un petit peu la PSP Go. Donc, ils vont dans le fond prendre le design un petit peu de la PSP Go, où tu avais ton écran et tu pouvais glisser un peu comme un téléphone cellulaire avec qui aurait un clavier en bas, mais à la place, c'est des touches pour jouer. Et le stylet et la tactilité, mettons, de la Nintendo DS. De plus, la disponibilité d'une connectivité 3G à cette console facilitera le téléchargement de contenu multimédia. Donc, pareil comme la PSP Go, on s'imagine qu'il n'y aura pas de lecteur de disque. La future PSP 2 sera dotée de deux boutons de commande analogiques se rapprochant des manettes de la PS3. Donc, deux, c'est bien. Sony organise une conférence de presse demain, jeudi 27 janvier, au Japon pour présenter leur nouvelle PSP 2. En tout cas, apparemment, nouvelle génération de sa console portable. En fait, je pense que c'est pas mal ça qui est confirmé que ça va être le produit qui va être annoncé. Mais je me questionne sur la pertinence de lancer un produit comme ça aujourd'hui avec les téléphones qu'on a. Mm-hmm. Je sais pas. Ouais, j'avoue. Mais en même temps, une console dédiée qui fait vraiment bien le travail à la place d'avoir un téléphone qui fait aussi des jeux, mais aussi d'autres choses. Mais en même temps, c'est sûr que moi, les jeux de iPhone et d'iPod Touch, j'adore ça. Mais une console dédiée à mes jeux vidéo, ça, j'aime bien. Moi, j'adore ma Nintendo DS. Mais l'écran, est-tu vraiment plus grand? Y a-tu des spécifications? Ben, en tout cas, l'écran de la PSP d'origine et de la PSP Go était plus grande que la Nintendo DS. Mais c'est sûr que la Nintendo DS a deux écrans. Et un écran grand. Mais j'ai vu d'ailleurs sur le site, pour pas le nommer, de magasin à grande surface, ouais. Que la Nintendo 3DS... Oui, sort en mars. Sort, c'est ça, vraiment très prochainement. Ouais. Puis là, ça, est-ce que tu vas avoir besoin de lunettes? Non, c'est ça, non? C'est sans lunettes et t'as même un petit bouton pour ajuster la profondeur de ta 3D pour être confortable avec ta vision à toi. C'est vraiment une très, très, très, très bonne idée. La 3DS, j'ai très, très, très, très, très hâte. Tu sais, ça va coûter quoi? C'est aux États-Unis, j'avais pas vu 250$, donc peut-être... Mais c'est à peu près ça, je pense, que tu peux même le précommander. Ah oui. Ça, j'ai pas fait, par exemple. Faudrait peut-être que je le fasse, ça. Mais en même temps, je sais pas. Est-ce que Nintendo DS va vraiment... 3DS, excuse-moi. Est-ce que ça va vraiment être un produit qui va complètement partir des magasins, qui sera plus trouvable comme un produit Apple? Je sais pas ça. Bon, à date, j'ai jamais eu de problème à trouver mes DS le jour de la sortie. Je sais que, en fait, pour la Wii, il ouais. Y avait beaucoup une pénurie à un moment donné. Là, ouais. Dans le temps des fêtes, là, ça se vendait comme des petits pains chauds. Et puis, je pense que tu pouvais en retrouver sur Internet, mais ouais. Comme le double du prix, cette truc-là. Donc, mais je viens de le voir, le PSP2, mm-hmm. C'est comme ça que tu l'appelles, moi? Ouais, c'est ça. Ouais. Crème. Qu'on l'air. Ouais, c'est quand même. C'est mieux que je pensais, mm-hmm. Sincèrement. T'as une caméra, d'ailleurs, pour faire sûrement du. Pour te filmer, je sais pas si tu peux clavarder ou interagir avec un autre utilisateur de PS. Là, t'es sur PS2. Quel site? Est-ce que t'es sur un site qui oui. Montre le vrai modèle? Moi, j'ai tapé Google. Ouais, parce que moi aussi, j'ai tapé Google, mais c'est des photos créées par Photoshop de gens qui aimeraient bien que la console ait l'air de ça. Toi, t'as le vrai modèle? Ben non, j'ai pas la photo. Est-ce que j'ai la photo du vrai modèle? Non. Non, je crois pas. Non, c'est encore des rumeurs. Encore des rumeurs à ce moment-ci. OK, il n'y en a pas de... Non, je pense vraiment que les photos que tu regardes, c'est des rêves. OK, OK. Parce que je trouvais ça pas pire. Je vois ce que tu vois en ce moment, puis non, c'est ça. Avec le grand écran, puis... Ouais, ouais, non. Ah. Non. Pas vraiment. Bref, on vous tiendra au courant demain avec des détails un petit peu plus précis sur la PSP2. J'ai très, très hâte de voir ça, mais j'ai plus hâte de la 3DS parce que je suis un fan de Nintendo, vous le savez. Autre petite nouvelle sur BlackBerry, tiens, Research and Motion, qui est la compagnie derrière BlackBerry, ils vont lancer un logiciel qui s'appelle BlackBerry Balance d'ici 2 mois. La mission va être de distinguer les contenus personnels et professionnels conservés sur le téléphone de l'entreprise canadienne. L'objectif est d'inciter les clients à utiliser leur téléphone BlackBerry tant pour le bureau que pour des raisons personnelles, donc sans avoir à se munir de 2 téléphones, un pour la job, un pour la maison. Hein, François? Hein, François? Hein, François? Hein? Hein? Donc, séparer pour mettre un mur entre les deux. Plusieurs types de contenus et services seront séparés en fonction de la sphère d'activité personnelle et professionnelle auxquelles ils sont liés, les courriels, les applications, etc. Or, le logiciel apporte plus qu'une séparation dans ces 2 sphères. Il cloisonnera grâce à un mur de sécurité virtuelle les données du boulot dans un environnement sécurisé par le biais d'un serveur BlackBerry pour entreprise. Toutefois, l'usager pourra aussi naviguer à sa guise sur les réseaux sociaux ou ailleurs sur le web. RIM a aussi annoncé que son logiciel BlackBerry Balance va être disponible sur sa future tablette Playbook qui va être lancée en février. Ah! Des choses secrètes du côté personnel et des choses secrètes, mais d'une autre façon, du côté professionnel. voilà. Voilà pour les nouvelles geeks d'aujourd'hui. C'est bien? François? Oui? Est-ce que t'as envie qu'on aille faire un petit tour sur le dance floor? Oh oui, certainement. Poum petit poum, là, le matin. Poum petit poum, petit poum. Poum petit poum, on va se rendre en direct sur le dance floor, là, c'est fou, pour connaître qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au carnaval étudiant de l'UQTR. Voici la programmation du Carnaval étudiant pour ce mercredi 26 janvier. Dès 10h, le rallye bottine. 12h30, pousse ton bolide de course. 14h30, le défi mini-pot des Patriotes et le défi style libre S3. 17h, festin de l'Empereur. 21h, tournoi de beer pong. 24h, départ du rallye nocturne. Pour connaître l'ensemble de la programmation et les lieux d'activité, veuillez consulter le cahier des participants au www.uqtr.ca/carnaval et syntoniser C'est fou durant les émissions quotidiennes. Merci Nicolas, en direct du dance floor de C'est fou. Poum petit poum, félicitations. Je trouve que ta musique fait très très bien à la fin pour un planche de danse. Là. C'est comme si on transitionnait ça fait très carnaval. Vers le studio, oui. Ça fait très branché. C'est trendy. Trendy. Je dirais. On revient dans quelques minutes avec quoi d'autre? Des faits sur les chats.

I Walked de Sufjan Stevens dans Assemblage Requis, votre émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Toc, toc, toc, sortez les vis. En fait, toc, toc, toc et sortez les vis, ça va pas ensemble. Hein. C'est plus sortez les clous, toc, toc, toc. Et c'est quoi le bruit de tournevis? Ben, ça n'en fait pas tellement. Là. Non, c'est très furtif. C'est comme un ninja, on pourrait tuer quelqu'un facilement. Peut-être. T'as-tu des plans, Machiavélique. Machiavélique. C'est comme un jeu de mots avec Mathieu. Non, pas de plan. Non, pas de plan. Non, pas de plan. Non, pas de plan. L'émission, par contre, elle a un plan. Plan qui continue jusqu'à 9h. Exactement. Plan plus chargé, d'ailleurs, pour la deuxième heure. Ben, elle est toujours plus chargée, la deuxième heure. La première, on dirait que personne ne veut venir nous voir avant 8h. C'est de bonheur. Bizarre, quand c'est de bonheur. Maxime Lemieux l'a ramé à 8h. Yeah. 8h30, Noémie Guibon et La Corderie. Yeah. Puis, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bon, parle-moi de ça. Si nous souhaitons bonne journée, c'est que ça va être une bonne journée. Espérons-le. François? Mathieu? Moi, j'ai envie de partager... Parle-moi de chou. Veux-tu que je te... OK, non. Je ferai pas de jeu de mots sur les chats. Voici, c'est un fait. En fait, c'est plus un jeu de mots sur les chats que je vais faire, je ne sais pas. C'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Oui, oui, oui, je suis allé trop Mathieu, loin. Mathieu. Je suis allé trop loin, ça aussi, je pourrais faire c'est un autre jeu de mots. C'est des mots qui se disent pas. Non, ça se dit pas, non. Mais j'ai rien dit d'obscène. J'ai seulement fait des liens. Les gens, s'ils veulent interpréter ça de façon croche, c'est leur problème. Hein? Donc, tu disais? Je disais donc, aujourd'hui, dans notre chronique, c'est un fait, c'est des faits sur les chats. Oui. Parce que le site theoatmeal.com a publié un article, en fait, c'est une bande dessinée. Parce que theoatmeal.com, c'est comme un site humoristique de bande dessinée. C'est vraiment très, très bien fait. J'adore ça. Mais là, c'est des faits véridiques. Donc, c'est pas des blagues. C'est pour vrai. Des faits sur les chats. Savais-tu? Ben, premièrement, un fait quand même assez facile. Les pattes de l'avant ont 5 doigts. Et les pattes de l'arrière ont 4 doigts. Si tu savais ça? Non. 4 en arrière, 5 en avant. Sauf si votre chat est polydactyle. Donc, mais c'est quoi? Polydactyle. C'est quelqu'un qui a plus de doigts qu'à l'habitude. Ça, on avait parlé à un moment donné d'un enfant qui avait comme 8 doigts par main. Hein. Ouais. C'est de la polydactylie, ça. Bon. Donc, si un chat a plus d'orteils que la normale, c'est ce qu'on appelle comme ça. Donc, polydactylie. Si votre chat était né en Égypte, dans l'Égypte ancienne, les Égyptiens auraient pu utiliser votre chat pour protéger les plantations des rats et d'autres vermines. Oh. C'est ce qu'ils faisaient, les chats, dans ce temps-là. Et si votre chat était resté assez longtemps en Égypte, les Égyptiens, c'est un mot dur à dire, ça, éventuellement, auraient commencé à prendre votre chat comme pour un dieu, là, le vénérer, bon, ouais, votre chat. Et même qu'après ça, ils faisaient momifier les chats les après chats? La mort. Ça, je savais pas ça. Votre chat ne peut pas goûter aux choses qui sont sucrées parce que les papilles gustatives des chats ne peuvent pas détecter le sucre. Ah. Hey, mais c'est bizarre. Ça, c'est bizarre parce que j'avais un chat, étant plus jeune, en restant chez ma maman. Bonjour, maman. Allô. Madame Baudry. Baudry, bien sûr. Baudry, mais oui, certainement. Et puis, c'est ça, j'avais un chat qui restait avec nous. Et puis, lui, en fait, je sais pas pourquoi, mais il mangeait des trucs sucrés. Ah ouais, mais il goûtait pas, peut-être. Mais il y a de quoi peut-être dans l'odeur. Peut-être. Cas, pas, il était attiré bon, par, parce qu'en fait, là, il grignotait même s'il était emballé. C'est ah ouais? Oh ouais, il était vraiment, c'était un fanatique. Là. Ah. Si c'était pas sucré, on était correct, mais fruits et légumes, il touchait pas à ça. Eh ben. Ah, moi, ma chatte est tellement particulière. Là. Il faut de la bouffe cheap et de l'eau tiède. Parce que si c'est trop froid, l'eau, elle aime pas ça. Si c'est trop chaud, elle boit pas. La bouffe trop chère, elle aime pas ça. La bouffe en canne. Elle aime pas? Elle aime pas ça. Elle aime pas du ça. Lait? Non. Non. Bizarre. Mais est-ce pas bon de donner du lait? Non, je sais pas. Peut-être ben, une fois de temps en temps, non? Même ben, pas. Je sais pas. Moi, en fait, je pensais que ça donnait le flux? Ouais. C'est pas dans mes fesses, là. C'est ça. C'est pas dans mes fesses, celle-là. Originalement, la litière à chat était faite. Ouais, je sais, je passais vite dessus. Originalement, la litière pour chat était faite de sable. Mais en 1948, on a découvert que la glaise était plus absorbante. La glaise? La glaise. C'est apparemment avec ça que c'est fait de la litière. Mmh. Clé. Du clé. Et en français, clé, c'est glaise. De la terre, de l'argile. C'est ça, les synonymes terre, argile, glaise et terre battue. J'avais choisi glaise, mais c'est peut-être plus de l'argile. Je sais pas. C'est peut-être la même chose aussi. Ouais, je sais pas. Je lis les faits qu'on me dit, je connais pas tous les autres faits de la vie, par exemple. Clé. Bon. Qu'est-ce que j'en sais? Ok, je passe au prochain. Isaac Newton, tu connais Isaac Newton, la pomme sur la tête? Là? Non. Non, c'est lui qui a inventé la porte battante pour les chats. Il s'est plus centré et sorti. Je sais pas. Ça fonctionne-tu vraiment? Je sais pas. Hein? Ben, ici, en tout cas, au Québec, on n'a pas ça. Non, c'est ça, on voit pas vraiment. La température ne nous permet pas. Mais... Exactement. Je sais pas, moi, si. Pas ça dans les films et à la télé, mais on se demande. T'sais, je dis, tout le monde est au courant que ça existe, mais c'est vrai, j'avais jamais pensé au fait qu'au Québec, on voit pas ça. Non. ça pourrait se barrer. L'été, il pourrait y avoir une porte battante, puis là, après ça, aussitôt que. Mais c'est que l'isolation serait pas assez bonne. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais que ton chat peut voir dans le noir? Ça, tu savais ça? Ouais, ouais, ouais. Ils ont besoin à peu près de 1/6 de la lumière que les humains ont besoin pour voir dans le noir. 1/6 de la lumière. Je sais pas s'ils voient bien, s'ils distinguent bien les. Je sais pas. Bonne question. On va parler de gens qui détestent et de gens qui aiment les chiens. Tiens, des personnes célèbres qui détestent les chats. J'ai dit chien. Chat. Dwight Eisenhower, le commandant des forces américaines en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, détestait les chats. Déteste. Même chose pour Adolf Hitler, le commandant des nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oh ben. Les gens qui aiment les chiens et les chats, Caroline, hein? Les chats. Robert Lee, le commandant du Sud pendant la guerre civile, et Abraham Lincoln, le commandant du Nord pendant la guerre civile. Eux, ils aimaient les chats. C'est fin, hein? Parlant d'Abraham Lincoln, le président Lincoln avait 4 chats dans la Maison-Blanche. Eh bien, parce qu'on entend souvent parler des chiens à la Maison-Blanche, c'est depuis toujours, finalement. Les chiens des présidents, c'est toujours très populaire. Bush qui avait ses petites vidéos là, cocasses avec le chien pendant les fêtes. Là. Non, t'as pas suivi ça? Non. Non. Savais-tu que ton chat ronronne? Je dis ton chat, t'en as pas en ce moment, c'est ça? Oui, ben oui. Ok, t'en as. Bon. Papout, dis donc, bonjour à Papout. Salut, Papout. Papout. Papout. Bonjour, Papout. Ton chat, donc, ronronne à la même fréquence qu'un moteur diesel au repos. C'est environ... C'est quoi, ça? Un moteur diesel sur idle. Idle. Ah oh, ouais. En fait. Ça me fait bien rire. Un moteur diesel à la même vitesse. Oui. 26 ronronnements par seconde. C'est très drôle. On soit à 26. Eh, tabarouette. Caroline, ça ronronne, c'est un méchant tête. Sais-tu que les cochons d'Inde, les lapins, les écureuils, les lémures, les éléphants, les gorilles ronronnent aussi? Les gorilles, François, ronronnent. Non, ça va-tu, là, je ne savais pas du tout. Moi non plus, je ne savais pas du tout. Les oreilles des chats peuvent entendre les sons ultrasoniques. Les rongeurs utilisent ces sons-là pour communiquer, hein, dans les rats, les souris, etc. Donc, votre chat peut entendre ces sons-là, mais les chiens et les humains ne peuvent pas. Hein? Quand même. Tu savais sûrement que ton chat utilise ses moustaches pour savoir s'ils peuvent entrer dans un endroit ou pas. C'est la largeur de ses moustaches va lui dire « Bon, je peux passer si ça là. Passe. Exact. OK. Sinon, je ne sais pas. Hein. Mais en plus de ça, le collarbone, c'est le seul mot que je ne connaissais pas, que je n'ai pas cherché la traduction. Collarbone, c'est l'os de son cou là, qui ne se connecte pas à d'autres os, mais à la place est assis sur des muscles. Ce qui veut dire que c'est plus facile pour un chat de passer à travers des endroits serrés parce que c'est pas connecté au reste, le collet de ton chat. Bref, le collarbone. Bon. Votre chat ronronne de façon continue en faisant passer l'air passer le larynx pendant l'inspiration et l'expiration. Donc, l'air passe à travers son larynx. Oui, oui. La taurine. Tu connais la taurine? La taurine. C'est ce qu'il y a dans les Red Bull. Les Red Bull, exactement. T'as tout à fait raison. Sans taurine, ton chat deviendrait aveugle. Oh ouais, c'est ce qui permet de... C'est ce qui permet de garder sa vue. Ce qui l'aide à garder sa vue. Donc, la taurine, c'est un aminoacide que la plupart des animaux produisent tout seuls, mais les chats en ont besoin dans leur diète. Mais évidemment, c'est dans chacune des nourritures pour chats. C'est un des ingrédients de base, la taurine, qui est aussi un ingrédient, comme tu disais, dans le Red Bull et d'autres boissons énergiques ou énergétiques, peu importe. Par contre, on nous spécifie dans l'article de ne pas donner de boissons comme ça à votre chat. Là. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Du tout. C'est pas parce qu'ils ont besoin de taurine qu'ils ont besoin de Red Bull. Quand ouais, même. Ça doit pas être super bon. Sérieusement, sérieusement. Savais-tu que ton chat peut courir à plus de 30 000 à l'heure, 48 km/h? C'est vrai. Usain Bolt, là, qui est le champion, sprinter. Le sprinter du 100 mètres, le champion, lui, il va à 27 000 à l'heure. Un chat domestique, 30 000 à l'heure, comme on le disait. Un cheetah, c'est un guépard, 75 000 à l'heure. Donc, t'as Usain Bolt à 27, chat 30. Le chat qui le dépasse. Guépard, ouais, exactement. Le guépard à 75 000 à l'heure. On termine avec Nikola Tesla qui s'est fait, zapper, ou disons qui a pogné un choc à cause de son chat. Nikola Tesla qui a été inspiré, qui a, dans le fond, a voulu en savoir plus, a voulu comprendre les secrets de l'électricité après avoir reçu un choc d'électricité statique. D'électricité statique, oui, de son chat macaque. Voilà. Donc, les faits sur les chats, allez retrouver la liste complète sur assemblagerequis.com. Clé de l'argile. Je pense que c'est de l'argile. Hey, Mathieu, pendant que tu faisais ta chronique, j'essaie de trouver... parce que mon ami m'a parlé de ça. C'est comme un lynx. C'est un descendant du lynx. Mais c'est un chat, c'est domestique, c'est très gros. Okay. C'est très haut sur pattes, mais j'arrive pas à le trouver. Ah. J'arrive pas à le trouver, mais je sais que ça existe et c'est très rare. Ça doit être spécial à voir ça. Ouais, en fait, je sais pas. Moi, en fait, ça m'allume pas tant que ça. Là. C'est peurant. Ça pourrait être dangereux. Peut-être. Écoute, je vais essayer de trouver le nom, là, puis je t'en parlerai. Vous irez voir ça, en fait. C'est pas un Liger ou... Non, non, non. C'était quoi, dans quel film, ça? Votre ligue de Balmol, ouais? Ouais, Liger, c'est Napoléon Dynamite. Oui, c'est ça. C'est un Lion Tiger Liger. Ouais, ouais. Ouais. Puis ça a pas bien été. Non. Mais écoute, on se reprend l'année passée. L'année prochaine. Ouais. Ben, bonne chance avec ça. Merci. Mm. Je t'en reparlerai. Ouais. C'est pas parce qu'un chat est gros qu'il va être dangereux. Non, non, non, mais un descendant du lynx reste que c'est quand même sauvage. En tout cas, mais je te trouve le nom puis je t'en reparle. C'est bon, c'est bon. Vous êtes toujours assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, on a Maxime Lemulaire-Amé avec sa chronique Télécharge quoi. Il s'en vient dans quelques minutes à peine. Le temps de se dire au revoir pour la fin de cette première heure et de se dire après l'Info Campus et puis les autres affaires qu'il y a après ça. Hein? Des affaires? Des affaires. On va aller faire des affaires. On va faire des affaires avec des affaires. Hein? Oui. Oui? Ah, oui, tu m'approuves. Je l'ai pas trouvé. Non! Non, puis il lance sa souris sur le mur. Hey, François, calme-toi, là. On n'a pas le budget pour acheter une autre souris. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bon, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières en ce mercredi 26 janvier. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Et vous êtes les requins! Bon matin! Bon matin, les requins! Good matin, the Reckons! Je t'ai laissé bouche bée, là. T'as-tu dit good night? Good matin, the Reckons! C'est de l'anglais. C'est de l'anglais. De l'anglais. My English is good! Cut it up! Atomic Baobab, 89 FM. It's good! What do you want? Want something with me? Oh, I do. Atomic Baobab, la pièce Cut It Up, assemblage requis. François et moi, tantôt, on parlait de gros chats domestiques. J'arrivais pas à trouver le nom de la bête en question. Mais Mathieu Plante l'a trouvé. Ah, ben moi, tu sais, quand on me demande, trouve quelque chose, hein, je suis comme un stalker de l'Internet. Je suis très, très capable de me faufiler à travers les décombres. Hey, mais allez voir ça sur Google. Ça s'appelle le Maine Coon. M-A-I-N-E, espace C-O-O-N. C'est hallucinant, c'est tellement gros. On peut voir des images en fait sur Google avec des personnes qui. Ben faut le tenir à bout de bras, là, à deux bras sérieusement. Puis. Et moi ça me fait peur tellement c'est. C'est-tu moi ou. Non, t'as raison. On dirait vraiment que c'est du Photoshop ou que quelqu'un a comme. Je sais pas, mélanger quelque chose qu'il fallait pas dans sa bouffe à chat. Mais c'est ça! C'est carrément ça. Parce que ça a la même physionomie qu'un chat. Sauf que ça a une grosseur, une grandeur exceptionnelle. Les pattes, on dirait des bras d'enfant. Hein. Mm. C'est vraiment. C'est très, très étrange. Allez voir ça. Maine Coon, M-I-N-E-C-O-O-N. Sur Google Images. En tout cas, il y en a vraiment beaucoup et c'était impressionnant. Et c'est domestique, hein, donc. On peut en avoir à la maison, c'est pas illégal, c'est pas comme avoir un singe comme animal de compagnie. Il me semble dans Eva Lodger, je pense qu'elle avait pas le droit d'avoir un. Un tigre, ça doit pas être un légal. Un tigre, non, sûrement pas. Non. Bref, ben c'est ça. Main coup. Allez voir ça. Merci Mathieu d'avoir trouvé ça, Krim. C'est vraiment apprécié. J'avais vraiment un blanc et puis. Je savais que ça existait, mais. Je pogne de quoi un matin en regardant les images aussi. Donc, allez voir ça. On retourne en musique pour l'instant en attendant Maxime Lumière Amé, sa collègue télécharge quoi. Voici Angels and Airwaves, Everything's Magic. 89 FM. So here it is, please. Watch as your heart beats. Angels and Airwaves avec la pièce Everything's Magic, assemblage requis au 89.1 FM. FN? FM, men, men, men. C'est comme la chanson, le mana, mana. Non, vous chantez pas avec moi, les gars, comme. J'ai ça, mais mon micro est fermé. Ah. C'est parce que quand tu chantes, tu me dis ton numéro de micro, François. Tu sais. Je chante avec tout, moi. On va le refaire. OK. On va accueillir Maxime Lemelaramé pour chanter ensemble des chansons dévergondées. Là. On a parlé, mon papi, c'est genre cette chanson-là. Ouais. Jaser, je pense que c'est... On a jasé. Ton père puis moi, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah ouais. C'est, ouais. Ça, c'est bon. Mais ça... Bonjour. Salut. C'est quoi ce moment-là dans la chanson où tu entres n'importe comment? Je sais pas, c'est quand il faut que je rentre. Ben attends que je te le dise. Okay. Excuse-moi. Non, c'est correct. Mais c'est que des fois, c'est long. Oui, c'est bien, je le sais, mais c'est que la chanson a un long bout avant qu'il y ait un moment opportun comme okay. Là, mettons. Mais je calme pas, là. Je te jure que la prochaine fois, là, la semaine prochaine. Je parle pas. Je te laisse me parler en premier. Ça va être moi qui vais faire la chronique de Max la semaine prochaine. bonjour, Maxime Lemelaramé. Bonjour. Ça va bien? Très heureux de t'avoir. Oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. On aime te recevoir à chaque semaine, même si des fois, on n'est pas très sympathique avec toi, là. Ben, c'est parce que des fois, hein, on est serré dans le temps, puis. On sent que je suis obligé de faire... Bon, on sent. Je me sens obligé de faire une chronique express, mais là, je sens qu'on a du temps aujourd'hui. Ben oui, ben c'est drôle, t'es arrivé moins en retard que d'habitude. C'est ça, je suis moins en retard. Ça voilà. Donne de même, là. C'est... Ouais. Alors, tu veux nous piner, on va te piner nous autres aussi. Ouais, c'est ça. Chacun attaque c'est... contre attaque. Attaque! Bon, donc aujourd'hui, tu nous parles de trois groupes ou artistes, comme toujours, dans tes découvertes ouais. Musicales téléchargées. Ouais, c'est ça. En fait, je voulais commencer par vous parler de Peter Bjorn and John, qui vont sortir leur sixième album, qui va s'intituler Give Me Some. Mais non, pas Give Me Some, Give Me Some. Give Me Some, Give Me Some. Ouais, chanson, exactement. Peter Bjorn and John, j'aime beaucoup, j'ai vraiment beaucoup apprécié leur pièce, la pièce que tout le monde connaît. Là, ouais, Psyph, là. Young Folks, exact. Voilà. Ouais. Jusqu'à temps qu'elle devienne super mainstream. Et là, quand on parle de mainstream, François... Oui, c'était même pas mainstream dans les radios pour les plus jeunes. Commercial branché, si on veut. C'est ça, branché sur tout ce qui est à la mode et on est donc hot. Là. C'était l'autre radio commerciale qui est plus pour les gens comme Crime, les jeunes sont... Avec sont plus beaucoup... d'expérience. C'est ça, avec plus d'expérience. Okay. Voilà. Qui aime autant, disons, hocher de la tête, rocker, ouais. Que aussi se reposer, se détendre. Ah, les gens genre de 30 ans? Je sais pas c'est quoi leur créneau commercial pour okay. Vendre. Ah ben t'es un peu plus vieux. Plus vieux ouais. Que ça ben, okay. Je sais pas. En fait, 35-54, je crois. Ouais. Ouais, c'est okay. L'entre panthère entre bombe. Panthère et bombe. Okay, entre panthère et bombe. Donc Gimme Some de Peter Bjorn and John va sortir le 29 mars prochain, mais c'est... là, il y a une pièce qui est disponible dans les internets. Qui s'intitule Second Chance, qu'on va écouter à l'instant. Ouh. À télécharge quoi? Dans l'assemblage requis. Sur C'est Fou 89.1 F. N. M. W. X. Second chance will never be found. made up your mind. The picture still hangs on the wall from back in the day when you had it all. It's a fraction of the whole, but it's hard to control. I get this straight. You can't count on a second chance. The second chance will never be found. You can't count on a second try. The second try will never come round. You can't count on a second chance. C'était Peter Bjorn and John, groupe suédois, avec la pièce Second Chance du prochain album Gimme Some, qui sort le 29 mars. Super bon, ça? Yes, ben oui. Sir. Alors, c'est ça, c'était Peter Bjorn and John. Bon. On a écouté, hein, avec écouté. Attention et... Ouais. Bon, alors... concentration. Ouais, concentration. Deuxième choix dans le bloc, télécharge quoi de Maxime et le Milan. Oui, alors je voulais parler de Cut Copy, groupe de Melbourne en Australie. Ben oui. Australia. Australia. Australia. Australia. Qui va sortir un prochain album, Zonoscope, le 8 février. Pourquoi tu le prononces Zonoscope? Une chance qu'on a des petites mousses sur nos micros, sinon ça sonnerait mal à la maison, ça là. Zonoscope. Ouais, scope. Zonoscope. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, Zonoscope. Est-ce que ça a une définition ou est-ce que c'est un mot au hasard? On sait pas. Ah, on sait pas. On sait pas. on c'est sûrement une combinaison entre Zone Campus et une bonne haleine. Ça se peut. Zonoscope. C'est bon, ça. Alors, c'est ça, l'album va sortir le 8 février prochain. J'ai choisi qu'on allait entendre la pièce Take Me Over. Ouais. Ouais, ça, c'est la pochette qu'on voit, Maxime? Ouais. Ouais, c'est la pochette qu'on voit. Ça ressemble à un périscope. Je sais pas si ça peut avoir un lien, là. Ben, ça ressemble à l'Empire State Building aussi. Ah, OK, tu veux dire... Ouais, l'espèce de rôle. Ah oui, OK, c'est ça. On voit l'Empire State Building de loin. Je pense que c'est ça. En tout cas, on va aller voir la pièce. Peut-être que ça va nous donner plus de détails. Quelle excellente idée. Yes! Some people cling to what they know, but I woke up, now it's time to go. Ooh, I can hear it calling. columns, that's the way to live. Cities and memories from the stereo. But don't sleep, cause now it's time to go. Je te dis, ça, ça donne envie de prendre une journée off, quelque chose du genre, ça. Puis de partir, ça à go. Ouais. Ou genre, tu sais, il fait soleil, fait que tu pars plus tôt. Ben, c'est ça. Tu short ton heure de lunch. Jour d'été, tu vois, ouais. Non, mais je sais que tu me niaises un peu avec la musique des années 80, là, mais un je t'ai peu. Vu hocher la tête tout le long de la tune. Mais ça, c'est fait pour ça, cette musique-là, c'est accrocheur, là. Même ouais, si t'aimes pas sourire. Ça. Oui, sourire. Avoir les cheveux dans le vent. Alors, c'était Cut Copy, Take Me Over, de l'album qui sort dans deux semaines. Zonoscope. Cut Copy, groupe de l'Australie. Avec l'Australie, ça, c'est loin, hein, Mathieu? Australia. Australia. Oui, mais c'est beau, par contre. C'est joli. Oui. C'est joli, hein? Je suis pas tout à fait certain de l'ambiance politique là-bas. Apparemment que c'est pas... Moi non plus. Mais ça, c'est le genre d'affaires qui m'intéresse pas. Non, tu vas là pour visiter. On s'en fout de ce que vous pensez. Bon. C'est ça. Il y a beaucoup d'inondations. Je sais pas, c'est peut-être pas le temps non plus de visiter en ce moment. Et je sais qu'il faut conserver l'eau. Moi, c'est ce que je sais de cette place-là. C'est qu'à un moment donné, t'as pas le droit d'utiliser tant d'eau que ça. Hein. Est entouré d'eau. C'est ça. Ouais. Mm. En tout cas. Bref, okay. on montre notre grande culture ben oui, c'est ici. Ça, hein. Tellement cultivé. Géographique. Culturé. Alors. Culturé. Ouais, alors j'ai choisi la pièce Me and Lazarus. Pour la prochaine pièce. Là, je dis ça comme ça d'avance parce que je veux juste être sûr que tout le monde est prêt d'entendre cette pièce-là. C'est Iron and Wine, hein? Ouais, Iron and Wine. Puis j'hésite tout le temps à dire Iron. Ça dépend des endroits. Iron ou Iron, ça dépend des places. C'est quoi le nom de la pièce déjà que tu viens c'est de dire? C'est Me and Lazarus. Ouais, je savais. Ouais, c'est ça. Alors, c'est du tout nouvel album de Iron and Wine. Qui est sorti le 25 janvier. Ça, c'était hier, hein, le 25 janvier? Exact. On est le 26 aujourd'hui. Tout à fait. Alors, pour ceux qui n'étaient pas sûrs, là... Je ne trouve pas Miguel Lazarus pour... Non? Non. Est-ce que tu trouves Walking Far From Home? Je pense qu'on va tous les faire. Non plus, mais c'est Iron, I-R-O-N. Ouais. Le E espace, comme... Ouais. Espace. Ouais. And. Ouais. Espace. Ouais. Wine. W-I-N-E. C'est ce que j'ai fait, je ne les trouve pas. Puis le titre de l'album, oui. C'est Kiss Each Other Clean. Kiss Each Other Clean, ça veut dire comme vous embrasser. Bon, je le trouve pas, sérieusement, je le trouve pas. Non, tu le trouves pas? Je le trouve pas. Qu'est-ce je vais aller voir ailleurs, ok, je le trouve ailleurs. Ouais, okay. Trouve-le sur MySpace, sûrement. La pochette est super belle. Ouais, ben c'est ça, on dirait un dessin à numéro, hein. Ouais, exact. Alors, c'est ça, Iron and Wine, là, c'est sur l'étiquette Sub Pop. comme Wolf Parade, The Shins aussi. Alors, grosse étiquette, je pense qu'il vient de Seattle. Ça, Seattle, tu sais. Le groupe ou... L'étiquette de l'étiquette. Ouais. Le groupe vient d'où? Le groupe vient de ça. C'est ça, là, c'est des bonnes questions. Des bonnes et belles questions. Ça, c'est des questions là, pour me fourvoyer. Max, j'ai Walking Far From Home. Là, ouais, je l'ai, ça, là. C'est une bonne idée, Walking Far From Home. Je l'ai, celle-là. Ben, en fait, je... J'ai plus goût d'écouter ça. Je sais que le chanteur vient de la Caroline du Sud, mais là, je sais pas où est-ce qu'ils sont installés là, pour l'instant, le band. C'est bien important. Je peux pas vous dire, là. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est pas New York, arrive, en tout cas. C'est pas New York. C'est la première fois que ça nous arrive, Max. De quoi? De pas avoir la pièce. C'est plate, hein? Mais non, mais elle est bonne aussi, Walking Far From Home. Je veux dire... Je peux t'en nommer d'autres, si tu veux. Non. Walking Far From Home, ça va être parfait, ça, mon ami. Super. Mon ami Mathieu. Donc, on écoute ça, Iron and Wine ou Iron and Wine. Mm. Tu sais, comme Iron Maiden, là. Oui. Le monde, ils disent tout. Iron Man. Ah, aussi. Aussi. Aussi. C'est ça. Donc, tout de suite, on écoute Walking Far From Home de l'album Kiss Each Other Clean. Télécharge quoi? I was walking far from home, where the names were not burned along the wall. Saw a building high as heaven, but the door was so small, door was so small. I saw rain clouds, little babies, and a bridge that had tumbled to the ground. I saw sinners making music, and I've dreamt of that sound. I was walking far from home, but I carried your letters all the while. I saw lovers in a window, whisper, warn me like time, warn me like time. I saw sickness blooming fruit trees. I saw blood and a bit of it was mine. I saw children in a river, but their lips were still dry, lips were still dry. I was walking far from home, and I found your face mingled in the crowd. Saw a boat full of believers sail off talking too loud, talking too loud. I saw sunlight on the water, saw a bird fall like a hammer from the sky. An old woman on a speed train, she was closing her eyes, closing her eyes. I saw flowers on a hillside, and a millionaire pissing on the lawn. Saw a prisoner take a pistol and sing, join me in song, join me in song. Saw a car crash in the country, where the prayers run like weeds along the road. I saw strangers stealing kisses, giving only their clothes, only their clothes. Saw a white dog chase its tail, and a pair of hearts carved into a stone. I saw kindness and an angel crying, take me back home, take me back home. Saw a highway, saw an ocean. I saw widows in the temple to the Lord, naked dancers in the city. How they spoke for us all, I saw loaded linen tables, and a motherless colt, then it was gone. I saw hungry brothers way down, with a radio on, I was walking far from home, where the names were not burned along the wall. Saw a wet road form a circle, And it came like a call, came like a call from the Lord. Oh, oh, Iron and Wine et Walking Far From Home. C'est exactement. C'est ça. Walking Far From Home. Ouais, oh, excusez-moi. Oh, on parle à l'unisson, là. Ouais. C'était de l'album qui est sorti hier, Kiss Each Other Clean. Donc, c'est tout pour moi, Mathieu. Ouais. Mathieu. Merci, Maxime. Mathieu et François, je vais quitter. Ben, quitte alors. Salut. T'es libre, hein? T'es pas. Tu peux partir à l'heure que tu veux. Salut, Maxime. Bye. Merci. Salut, merci Max. De me laisser partir alors que je. On regarde ton vaisseau partir par ensemble. Ah, mais on n'est pas serré sur les règles. N'est pas le cas. Va-t'en quand tu veux, en plein milieu de la chronique, ça te tente. Pas grave. Vous êtes toujours ensemble à Jouer, l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Mathieu Plante. On prend une petite pause et on parle de la corderie au retour. Merveilleux. Ça te va? Ça me va très bien. Ben, parfait, d'abord. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante. Assemblage requis en pièces détachées. Oui, vous êtes toujours Assemblage requis au 89.1 FM. François-Olivier Marchand est devant moi. Moi, je suis devant lui, j'imagine. Devant moi-même. Ben, devant moi. Devant toi. Pas devant toi-même. Ben, je suis ouais. Drôle de façon de dire les choses. Je suis sur ma chaise, finalement. Pas très confortable, d'ailleurs. Hein? Je trouve que les chaises sont comme... Ben, elles sont pas si pires. Sont pas si pires, qu'est-ce que tu veux, le budget de même. Donc, on parle de la corderie, maintenant. Ben oui, certainement. On a deux personnes en studio qui vont nous parler de la corderie. En fait, on reçoit Annick Rainville et Noémie Guimont. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? À l'unisson. À l'unisson. Tout le long, parler ensemble. C'est cute. C'est pas. Bon, vous venez de parler de la corderie. En fait, moi, je connais pas la corderie. Donc, c'est quoi la corderie? En fait, la corderie, c'est un réseau de solidarité qui regroupe à peu près 300 personnes de Trois-Rivières. Oui, okay, c'est quand beaucoup. Même. Puis encore plus d'offres de services. Ces personnes-là, entre eux, s'échangent des services qui sont basés sur une monnaie qui est plus sociale, qui est le temps. Donc, la durée que va prendre ton service, c'est le temps que la personne va te le payer. Ça te fait comme un crédit qu'après ça, tu peux utiliser avec une autre personne qui va faire un service pour toi. Exactement. D'accord. Je vais donner un exemple, ça va être plus facile pour comprendre. Mettons, moi, dans mon cours, via mon cours d'espagnol, il faut que je fasse mon devoir. Je peux appeler Noémie qui donne des cours d'espagnol. Mais comment je sais que Noémie, en fait, est bonne en espagnol? Je sais pas. Faut que je me réfère à la corderie, je vous appelle, j'ai dit j'ai besoin de quelqu'un qui parle espagnol ou... Ben, quand la personne devient membre, elle offre ses services, puis elle a accès aussi à un catalogue qui regroupe tous les services, à peu près 900 services, avec les noms des personnes et les coordonnées pour la rejoindre. OK. Tout le monde est listé là-dedans. Exactement. OK. Puis on a aussi un volet qui est informatique, c'est-à-dire on sait que les jeunes, c'est tout sur Internet, puis on peut tous aller voir la même chose visualiser ça en ligne via un compte. C'est comme si on gérait son compte accédé. Là, c'est un compte accorderie. Ah, c'est cool. Et puis, dans le compte, en fait, est-ce que ça dit le nombre d'heures que j'ai reçues, que j'ai données? Oui, c'est vraiment comme un compte, là, comme accéder. Là. Si j'utilise un service comme l'espagnol de 2 heures, je vais payer Noémie avec un petit chèque de la corderie de 2 heures. C'est beau. Oui. Ouais, pour vrai, il y a quand même un échange de papier ou de chèque. Ah oui, c'est sérieux, avec un vrai chèque à corderie. Signé. C'est bien. Est-ce que tu peux offrir plusieurs services pendant un très long bout de temps et t'accumuler des heures pour après ça pouvoir les utiliser plus tard? C'est ça, t'as vraiment comme une sacoche, si on veut. C'est le fun. Tu peux accumuler une richesse de services. Oui, et après ça, en redistribuer aux gens et peut-être prendre un paquet de chèques et les lancer en bas d'un toit, mettons. Mais vraiment, parce que, mettons, tu déménages prochainement, puis là, tu as besoin de faire peinturer ton appartement, ben tu sais que ça va prendre plusieurs heures pour faire ça. Uh-huh. Mais là, toi, de ton côté, tu as accumulé des heures en rendant des services, mais là, justement, tu es rendu les utiliser, tu appelles la personne que tu as vue dans la section peinture. Mm-hmm. Et là, tu peux justement utiliser ces services sur plusieurs, une longue période de temps parce que tu as accumulé des heures. OK, puis si, là, je fais une mise en situation, OK? Moi, j'ai besoin d'un gros gaillard, en fait, pour déménager. J'appelle, mettons, je sais pas, Michel qui... Mike. Mike qui offre ses services pour déménager. C'est très forçant. Pour lui, si moi, en échange, exemple, je lui fais une carte d'affaires, mais je dis, ah, moi, ça me prend 2 heures faire une carte d'affaires. Tu sais, est-ce que c'est réglementé ou... Les échanges, en fait, sont pas réciproques. Mettons que Mike t'aide à déménager. Ah, OK. Lui, il va... Moi, je dois rien à Mike. Non, toi, tu dois rien à Mike. Mais après, tu peux utiliser le service que tu as besoin, je sais pas, moi, faire un buffet, là, chez vous pour un party, tac. Tu peux utiliser ça. Okay. Donc, c'est pas des échanges qui sont réciproques. Okay. C'est vraiment avec ta base d'heures que tu peux utiliser tes services. Là. T'as pas besoin de rendre le service justement à la même personne. Là. OK. Et puis, c'est les gens en fait, qui constituent leur service. Vous avez pas, exemple, bon, mais toi, tu vas peinturer. C'est vraiment les gens qui sont... Les gens, ils sont libres de choisir leur service aussi. Là. Sont pas forcés, mais il y a plein d'exemples. T'sais, quand les gens savent pas quoi offrir, tu sais, on a un catalogue avec plusieurs services, les gens, ils peuvent... C'est surtout selon vos compétences. Tu sais, si toi, tu es bon en correction, en français, ben c'est quelque chose que ça te fait plaisir d'offrir. Puis c'est ça. Dans le fond, on offre quelque chose qu'on est bon là-dedans, puis on va chercher quelque chose qu'on a une petite lacune, comme peinturer, c'est pas toujours le fun, mais il y en a qui aiment ça. Dieu sait que c'est plat, peinturer. C'est ça, j'ai aucun talent. Exactement. Ça sert à ça, avoir des services, justement, qu'on a moins envie de faire et en donner ceux qu'on aime faire. Oui. Mais justement, si tu veux proposer tes services, est-ce que tu dois choisir dans les catégories qui sont prédéterminées ou est-ce qu'il y a de l'ouverture à, mettons, moi, je propose un service qui n'a jamais été offert encore en ce moment, je peux l'offrir quand même. Faut pas que je sois dans la catégorie crime, tu sais, je peux pas. Non, il y a de l'ouverture, là. Oui. Et puis, est-ce que c'est déjà arrivé par le passé que des gens s'inscrivent, reçoivent beaucoup d'heures, mais n'en donnent pas, simplement, pour profiter un des peu profiteurs, du, ben, du système? En fait, il y en a partout. Des mais, bougons. Des bougons. Ben, en fait, oui, ça l'arrive, mais c'est pas néfaste en tant que tel, parce que si la personne elle a envie de donner beaucoup d'heures, parfait, ça fait bénéficier plusieurs personnes. Puis elle, si après, elle décide de pas appeler les gens pour avoir des services, mais c'est plus... Ou le contraire, c'est ça. Ou le contraire. Si c'était le contraire, quelqu'un qui prendrait beaucoup, beaucoup d'heures, mais en fait, nous, c'est comme un compte. Fait que quand tu es rendu à zéro, tu peux plus utiliser, tu es obligé de te renflouer en heures. OK, donc tu es obligé de donner avant de recevoir. Non, quand tu rentres, ce qui est le fun, c'est qu'on vous fait comme un espèce de rabais à corderie. On vous donne 15 heures en banque. Fait que là, vous pouvez essayer plein de choses. Ça vous donne un jeu. Mais après ça, c'est ça, si vous aimez le service, vous aimez faire des échanges, c'est important justement d'offrir aussi quelques fois pour être en mesure là, d'utiliser d'autres services. Mais il y a plein de façons là, d'accumuler des heures autres aussi. Annick, tu pourrais nous en parler. Qu'est-ce qu'il y a de fun à la corderie aussi? Il y a plusieurs activités. Les gens peuvent venir s'impliquer, là, peuvent faire la réception, peuvent participer à des activités comme il y a du volleyball, il y a des soirées Wii, il y a... qu'est-ce qu'il y a? Faites vraiment plein d'activités pour les membres. Parce que je pense le but premier aussi, ça doit être de faire connaître des nouvelles personnes aux membres. Bien, en fait, oui, il y a plein d'autres activités aussi. Il y a les échanges de services individuels, mais il y a aussi des activités qu'on organise pour faire rencontrer, pour que les gens se rencontrent, pour qu'après, il y ait un lien de confiance qui se fait quand tu appelles la personne. OK. OK. Il y a aussi, en fait, oui. Ben c'est ça, je voulais mentionner. On est de même. Je voulais mentionner que c'est ça, il est possible d'organiser des ateliers à la corderie. Mettons que toi, t'es en enseignement de l'anglais, puis t'as envie de te pratiquer. Ben c'est le fun parce que tu peux venir justement. Nous autres, on a des locaux, puis on a des gens qui sont propices à être là. Fait que ça te fait une petite pratique de cours, puis toi, tu donnes des heures. Toi, dans le fond, tu accumules des heures avec ça. Tout le temps que tu prépares ton atelier, que tu viens donner ton atelier, tu as accumulé des heures aussi. Okay, c'est une autre façon de se renflouer. Merveilleux. Ça, ça coûte combien? Ça coûte 1$ être membre à vie. C'est plus à un vie? À vie. C'est significatif, mm-hmm. Plus qu'autre chose. Et ça, pour s'inscrire, on visite la corderie en personne ou encore sur Internet? En fait, vous pouvez aller sur le site Internet qui est accorderie.ca. Vous pouvez vous préinscrire via le site Internet. Par la suite, on va vous contacter ou nous appeler directement au 819-379-5111. Parfait. Facile? Facile, très facile. Maintenant, vous êtes convaincu. Ben oui. Inscrivez-vous. Et voilà. Non, mais ça peut être bien, en fait, pour les personnes qui connaissent, peut-être qui ont moins d'amis, qui viennent d'arriver dans la région aussi. Ah, ben quand t'es nouveau, c'est génial parce que justement, ça te permet d'avoir des services un peu plus gratuitement. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a d'autres services, des services communs. On a une épicerie collective. Ça permet un rabais de 36%. Sur l'épicerie, mettons, le Super C, c'était comme le plus compétitif. On a fait des comparaisons de prix. Et c'est ça, 36% d'économie, c'est quand même quelque chose de le fun. Ça, c'est une fois par mois. Puis tous les membres peuvent participer. Puis comment ça fonctionne? Je me fais une liste d'épicerie? En fait, nous autres, on a une liste qui est déjà qu'on fait de notre côté, qu'on vous achemine quelques jours avant la journée de la commande. Et vous pouvez venir, en fond, remplir votre liste sur place à la corderie. Et il y a un encan qui se fait pour compléter parce qu'on achète en gros. Fait qu'on a plus de pouvoir d'achat là, s'il y a des gens qui viennent puis qui complètent les encans. C'est très le fun. C'est vraiment là, de la bouffe de qualité là, comme à l'épicerie. Là, c'est pas du seconde main. Puis c'est génial. En tout cas, on permet. Nous autres, on l'utilise. On est très, très heureuse de ce service-là. Mais je suis pas sûr de bien comprendre. Vous faites part d'une liste aux membres? Oui, oui. OK. Mettons, sur la liste, il y a quoi? Il y a des patates, des légumes, carottes, ces trucs-là. Puis moi, je coche ce que je veux. Exactement. Nous, on fait affaire directement avec des fournisseurs. Okay. Dans le fond, les fournisseurs des épiceries en tant que tel. Mais en passant par eux, on est capable d'économiser en achetant en gros. Fait que c'est pour ça qu'on est capable d'avoir un rabais. On fait pas de surplus. Là. Dans le fond, le prix que le fournisseur nous le vend, c'est le prix qu'on leur vend. OK, vous faites pas d'argent avec ça, nous. C'est ça, ouais. Puis nous autres, on le reçoit une semaine plus tard. Puis c'est. Je sais pas si. Il y a aussi l'éco-marché là, qui fonctionne comme ça. Là. C'est-à-dire qu'on passe sa commande, puis après ça, on vient chercher là, une semaine plus tard ses aliments. OK, est-ce que vous êtes en lien avec l'éco-marché? Non, mais on les aime, on les connaît. Ça pourrait être des possibilités. Les autres se situent dans Sainte-Marguerite, c'est bien ça? Dans le quartier? Oui, je crois que oui. Oui. Merveilleux. Et puis après ça, une fois que la commande est arrivée, on y va et on paye ce qui est dû. Une semaine après, on va chercher notre commande, on paye, puis on s'en va avec notre épicerie. Okay. Exactement. On a aussi une autre histoire, une autre chose qui est très, très le fun, qui est un service commun, c'est le Crédit solidaire, Annick. Oui, je t'invite à nous en parler. En fait, le Crédit solidaire, ça permet aux membres de la corderie d'avoir accès à des micro-prêts pouvant aller jusqu'à 500$ pour dépanner s'il y a une urgence là, au courant de l'année ou ton frigidaire brise, ton auto. Ton ordi en plein travail de session. Ah. Tu parles d'expérience, on dirait, je sais pas. Ah, on en a tous. On offre des micro-prêts à un taux d'intérêt plus faible. Dérisoire. Ridicule. Oui, ridicule. Ça, comment ça fonctionne? Les gens, c'est toujours à la corderie? C'est toujours à la corderie. Okay. Les membres nous appellent, on prend un rendez-vous et on fait une demande après. Là. OK. Et puis, ils vous remboursent à vous? Ils nous remboursent à nous. Nous, on avance le montant et ils nous remboursent à nous après. OK. Donc, pas obligé d'avoir un compte à... Pas besoin d'avoir un compte. Ce qui est bien, c'est que des fois, c'est des personnes qui n'auraient pas accès à du crédit dans des institutions financières régulières. Mais à la corderie, c'est possible d'avoir des micro-prêts. À la corderie, tout est possible. Tout est possible. Puis à vous des histoires des histoires plaisantes à raconter. Je sais pas, mettons Mike qui est tombé en amour avec Sandra qui faisait de la peinture, je sais pas, non? Ben, pas d'histoire d'amour ben, en tant que telle. Ben, des amitiés peut-être, ou je ben sais oui, pas. Des amitiés. On a vraiment des activités qui ont mis en lien beaucoup de gens. On a des clubs de marche, on a des soupers communautaires. Ça, c'est très, très, très apprécié, justement. On a le souper de Noël annuel et c'est une grosse fête. Là. Les gens apportent tous un plat pour quatre et c'est vraiment un souper qu'on se partage. Et il y a des belles amitiés là, qui naissent de ces soirées-là. Puis à la corderie, tu sais, ce qu'on retrouve, qu'on retrouve pas nécessairement ailleurs, c'est qu'une belle mixité sociale. Tu sais, il y a des personnes qui viennent de milieux peut-être plus défavorisés, puis des personnes qui viennent de milieux plus favorisés, des gens qui travaillent, des gens qui travaillent pas, des étudiants, des personnes âgées. Puis toutes ces personnes-là se mélangent entre elles, puis il y a un bel échange aussi d'expériences, puis d'amitié, entre autres. Justement, on parlait d'histoire d'amour. C'est pas d'histoire d'amour, mais c'est d'histoire d'amitié entre deux personnes, justement. Une personne plus isolée, qui est sur l'aide sociale depuis longtemps, avec une personne, une femme qui, ben là, qui a arrêté de travailler pour sa condition de santé, mais qui vient d'un milieu plus aisé. Il y a des échanges de services, mais il y a aussi des échanges de... Je sais pas comment je pourrais dire ça, là, des échanges. Ouais, au niveau, ben, entre deux personnes. Entre là. Deux personnes. C'est ça. Ah, ça fait un réseau de contacts oui. aussi. C'est soit en rencontrant de nouvelles personnes. Ça fait naître des belles amitiés quelquefois. Même vous, là, vous avez une belle complicité. Ah, exactement. Ah oui. Mais c'est ça. En fait, nous, on est jeunes. Ce qui est le fun aussi pour les jeunes, c'est qu'on a plein de choses. En fait, depuis l'automne, on a vraiment augmenté beaucoup. Notre réseau de jeunes. Alors, on a de plus en plus d'activités spécifiquement pour les jeunes. Fait que, tu sais, si vous êtes étudiant, ça peut aussi vous rejoindre la corderie par les activités, par ce qu'on met en lien aussi. Puis, ça vous permet de faire un réseau de contacts aussi de personnes de votre âge qui vous ressemblent. Puis on sait qu'en tant qu'étudiant, on n'est pas toujours riche non plus. Là. Non, c'est ça. Que d'avoir accès à des services ménage, covoiturage, entretien ménager. Mais juste le fait, exemple, là, je prends l'exemple pour déménager, là, mais juste de ne pas peinturer tout seul. Là. Je pense que juste ça vaut la peine. Ouais. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui utilise le service juste pour avoir comme un accompagnement dans la tâche plate ben, oui. qu'ils ont à faire. Mais c'est ça, faire ça à deux, c'est génial. Là, c'est... Peinturer seul, c'est terrible. Mais ça peut faire un beau party. Là, tu peux amener plein d'accordeurs avec toi. Puis finalement, tu fais une journée, on peinture, puis on s'amuse. Puis on mange des pizzas après. Là. Ah, très cool, très cool. Vous êtes situé où? On est situé au 1060 Saint-François-Xavier. OK. Qui est au centre-ville, au coin Saint-Maurice et Saint-François-Xavier. Parfait, parfait. Rappelez-nous l'adresse Internet et numéro de téléphone. Accorderie.ca. Okay. Et le numéro de téléphone est le 819-379-5111. Fantastique, fantastique. Une petite question pas pertinente à la fin. Avez-vous des accordeurs de piano? Oui, oui, pour vrai? À la corderie. Il y a ce service-là. Ah ouais? Écoute, si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire. Il y en a un ou deux qui offrent le service. Est-ce que des accordeurs de verbe aussi? Ah ça, il y en a. Je me rappelle avoir fait la même blague la première fois que j'ai parlé à lui. Ouais. Je me rappelle pas ce que j'ai répondu. Mais... Sûrement la même chose. Ouais, ça c'est une personne là, ça. Ouais. Il n'y a pas grand jeu de mots à faire à part de ça. T'sais. Ah, à part, il y en avait. C'est quoi ton poste, toi? Moi, là-bas? Coordonnatrice. À coordonnatrice, qu'on dit. À coordonnatrice. À coordonnatrice. Il fallait que je le fasse. C'est Mathieu Plante. Enchanté. Et désolé. Voilà. Hey, merci Annick, Noémie. Merci à vous. Puis si vous avez du nouveau, en fait, là, je n'ouvre pas la porte studio est tout le temps ouverte. Merci beaucoup. D'accord. À l'unisson. D'accord. T'es en feu, hein? Ouais. Ou encore, merci. Moi, je répondrais, ben, accord de rien. Non, attends. Bien. Merci. Bien. C'est ça, merci de rien? Ouais, c'est ça. Bon, donc, toujours Assemblage avec une émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. On revient tout à l'heure avec la conclusion de l'émission, mais pour l'instant, on s'écoute Metric et Gimme Sympathy. Yay! C'est ce que je demande à tous les gens quand je fais des mauvais jeux de mots. Un petit peu de sympathie. Pour get hot, get too close to the flame. Wild, open space. Talk like an open book. Take a picture, I'll remember someday all the chances.

la phrase « on y va ». Bon, c'était... « On y va ». On y va ». Qui c'est qui dit ça? Ah, je déteste. On dit « on y va », non? On y va, on y va. Non, c'est... Okay. Hooded Fang avec Laughing, c'est la pièce qu'on vient d'entendre à Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps à l'émission, même que je dirais que, attention, on devrait... Ah, ben oui, c'est la fin. Oh. Ah, ben oui. La musique le dit, on c'est s'en la va. Fin. On s'en va. On s'en va, mais vous ne partez pas. Vous restez avec nous sur les ondes du 89 FM parce que le voyage de Célite s'en vient dans quelques minutes. Tout de suite après. Tout de suite après nous. À 10h, c'est le retour d'Alexandre Gauthier. À chaque semaine, sa nouvelle émission, L'heure internationale. Ça joue ici même sur nos ondes et nous parle d'actualité internationale, d'où le titre. Hey, j'ai vu, il a même mis des annonces sur les babillards. Ah, il est fort, Alexandre oui. Gauthier, il est fort. Après ça, c'est le dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Oui, et peut-être Charles-André. Dépendant des jours. Une dose d'estrogène, l'émission de musique et de sortie commence à 13h. Après ça, c'est du rap pour le reste de la soirée, ou presque. Mets-toi bien à 15h, rap okay. Contact à 17h, volte-face à 19h. Et après ça, à 22h, c'est du trance avec Psy-TR. Ça va être une journée fort chargée. Oui, cherchez pas ailleurs. Jamais. Don't charge anywhere. It's all here. Hein, c'est de l'anglais, ça aussi. Ok, qu'à faire. Peinture Kick FM. J'avais le goût, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait très longtemps. Ce serait le fun d'un son à la place de C'est fou, là. Mettons qu'on se renommait là, pour changer de look, là, tu sais. Tout le monde fait ça, là. Change de nom. Mm-hmm. On pourrait s'appeler Badaboum Badabing FM, mettons. T'sais. C'est un peu long. Ouais, c'est un peu long. Ou Bébé B FM. Comme Badaboum Badabing, non? Peut-être. T'es pas d'accord de rien avec ça? Ou simplement B-E-B-E. B-B. Bon, mais c'est plate un peu ça. Les nouvelles de Radio-Canada s'en vient. On se retrouve demain, François, à 7h. Malheureusement, avec François Landry et Simon Fidibé. Ouais, passez une belle journée. Le jeudi, c'est chargé. Bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.